Alors, c'était vraiment une belle fin de saison et c'était un beau trip. OK. Dis-moi. Le joueur natif de Saint-Bruno est très heureux de sa propre saison personnelle. Putain, non, mais non. La saison tourne une bonne. Comme je te disais tantôt, on a fini premier. On a fini premier. Depuis le début, on était premier. Fait, dans ce temps-là, quand tu as une bonne équipe, tout est plus facile, tout est plus rose. Fait que, c'est sûr, certain que plus la saison avançait, plus. Plus ça allait, je me sentais mieux. Puis bon, en playoff, on avait une équipe, on était vraiment en mission. Puis je pense que ça a vraiment été une contribution de toute l'équipe parce que des matchs que la première ligne marquait, après ça c'est la troisième ligne qui prenait le dessus sur le deuxième match. Puis les gardiens faisaient des gros matchs. Je pense qu'on a vraiment. C'est vraiment tout au long de l'année, ça a vraiment été toute l'équipe qui a contribué. Puis okay. on était vraiment solide. Et le terrain de golf du club de Dolbeau-Missassigny va ouvrir demain pour le terrain de pratique. Donc ça veut dire que ça s'en vient à très très grands pas. Donc à compter de demain, vous pourrez aller pratiquer des balles au club de golf de Dolbeau-Missassigny. J'ai vite écouté la section entrevue de danadosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Éric Lacroix, l'analyste des matchs des Golden Knights de Vegas. Également, je me suis entretenu aussi avec Christian Ouellette, l'ancien joueur des Marquis de Jonquière. Et vous pouvez écouter Nick Manacci sur le camp d'entraînement des Cougars de Chicoutimi. Le sport local et régional à danadosport.com, la référence du sport au son équipe.